Bon, ben moi, c'est Rémi. L'année dernière, j'ai arrêté de fumer. Bon, c'était un vrai défi, hein. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai réussi. Si j'ai tenu bon, c'est surtout grâce à Tabac Info Service. Au 3989, un tabacologue m'a accompagné par téléphone. C'est vrai que les conseils et le soutien d'un spécialiste de l'arrêt du tabac, ça aide vraiment. Comme quoi, pour arrêter de fumer, c'est quand même mieux d'être accompagné. Alors vous aussi, appelez le 3989. Du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Service gratuit plus prix de l'appel. Un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Le fait que la guerre soit devenue irrationnelle interdit de perdre confiance ou de perdre courage. Car la rationalité de la société industrielle, ce n'est pas d'exclure toute violence, nous sommes en plein dans le monde de la violence, mais d'exclure la violence démesurée, hyperbolique, en quelque sorte illimitée, des grandes guerres du passé. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera, et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, tas de punaise », est-ce que c'est bien clair ? Chef, oui, chef ! Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Ce qui me paraît essentiel, c'est la rupture qui, à mes yeux, est intervenue en 1945 avec les bombes atomiques. Je serais beaucoup plus pessimiste sur l'avenir de la paix si n'existaient pas aujourd'hui les armes diaboliques, les armes de destruction massive. Si les hommes sont raisonnables, ils ne feront pas de grande guerre. Mais comme le dit un de mes amis, l'homme est raisonnable, les hommes le sont-ils. Sur l'épée d'académicien de Raymond Aron étaient inscrits ces mots d'Hérodote. « Nul homme n'est assez dénué de raison pour préférer la guerre à la paix ». Quoi de plus normal que de se rappeler cette phrase quand on a assisté aux grands conflits du XXe siècle ? Guerre mondiale, bombe atomique, guerre froide ou guerre du Vietnam ? Quoi de plus sensé que de vouloir la paix plutôt que la guerre ? Mais c'était bien sûr sans compter sur l'ironie d'Aron, qui n'hésitait pas à ajouter que rien n'était vrai dans cette affaire. Contre toute attente et contre nos élans premiers, Aron nous pousse à nous demander. Et s'il était plus raisonnable de se résoudre à la guerre ? Et si la guerre était précisément une question de raison ? Bonjour Jean-Vincent Olindre. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et directeur scientifique de l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes l'auteur de La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie. C'est paru aux éditions Perrin en 2017 et vous avez dirigé l'ouvrage La démocratie entre défis et menaces, paru aux éditions Sciences humaines en 2020. Alors on a évoqué cette semaine le libéralisme et la philosophie de l'histoire de Aron. Il fallait évoquer une autre grande dimension de l'œuvre de Raymond Aron, sa conception des relations internationales et notamment sa conception de la guerre. Pourquoi une telle omniprésence de la guerre, mais aussi de la paix, dans l'œuvre de Aron ? Ça tient à plusieurs éléments. D'abord à la vie de Raymond Aron elle-même, qui se confond avec le XXe siècle des guerres. Aron est né en 1905, il meurt en 1983. Donc il est enfant pendant la Première Guerre mondiale, qui évidemment ouvre le siècle sur une boucherie, il faut bien le dire. Ensuite, il soutient sa thèse en 1938, donc juste après l'Anschluss et donc au seuil de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, au moment de sa soutenance, il évoque la guerre qui arrive, contre d'ailleurs l'avis de ses maîtres qui ne pensaient qu'à la paix et qui n'imaginaient pas que, à la suite des accords de Munich, eh bien, il y aurait la guerre. Et puis, évidemment, l'âge de la maturité se confond avec l'âge de la guerre froide. Et Raymond Aron est l'auteur de ce fameux adage à propos de la guerre froide, paix impossible, guerre improbable, pour dire que justement, avec l'arme nucléaire, il peut pas y avoir de guerre parce que sinon nous allons tous disparaître, mais en même temps la paix est impossible parce qu'il y a un affrontement idéologique très fort entre l'URSS et les États-Unis, et Aron, on le sait, s'est engagé auprès des États-Unis parce que les États-Unis incarnaient la démocratie libérale. Donc pour résumer, la guerre a été au centre de la vie de Raymond Aron, et évidemment il en a fait son objet d'étude parce que Raymond Aron s'est donné l'objectif sur le plan intellectuel de penser l'histoire en train de se faire. Et l'histoire en train de se faire au XXe siècle, c'est en grande partie la guerre. Donc on ne peut pas dire que Raymond Aron, c'est le penseur soit de la paix durable entre les nations, soit le penseur des conflits irréductibles qui lient les États sur l'échiquier international. Vous venez de le dire, avec cette formule paix impossible, guerre improbable, on est précisément entre les deux. Oui, on est entre les deux, c'est-à-dire que dans le cas de la guerre froide, c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire que la paix est impossible et parce qu'il y a voilà, il y a un affrontement qui peut sans cesse dériver en guerre et en guerre nucléaire, c'est la crise de Cuba, hein, la crise de Cuba finalement a débouché sur un épisode qui s'appelle la détente, c'est-à-dire un moment d'apaisement des relations entre les États-Unis et l'URSS, parce qu'on est passé tout près du précipice aussi. Et en même temps, voilà, on est effectivement dans des situations aussi de zone grise dans cette période de la guerre froide, parce que parallèlement à cet affrontement qui peut sans cesse, devenir une catastrophe, il y a aussi les conflits coloniaux, par exemple. La question de la guerre d'Algérie, où Raymond Aron va se prononcer en faveur de l'indépendance, où on est dans des situations où ce ne sont pas des guerres interétatiques classiques. Comme... Il y a la construction de l'Union européenne. Voilà, qui est fondée sur la volonté de faire la paix avec l'Allemagne. On sait à quel point Raymond Aron, qui a passé beaucoup de temps en Allemagne, pendant la montée du nazisme, était attaché à la construction de cette paix avec les Allemands. Mais je dirais, pour revenir à la question coloniale, c'est une question assez importante, parce que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de guerre asymétrique, de guerre révolutionnaire, de guerre irrégulière, c'est-à-dire des acteurs non étatiques qui vont affronter des États. Et c'est vrai que si on réfléchit à la guerre aujourd'hui, aux situations intermédiaires, ni guerre ni paix qu'on constate, la source de tout cela, en tout cas, disons dans la période contemporaine, c'est la période de décolonisation et ce moment d'émancipation de ce qu'on appelait le tiers-monde par rapport aux puissances occidentales. Alors je vous propose, Jean-Vincent Olindre, qu'on écoute une archive de Raymond Aron qui date de 1959, qui explique cette évolution de la guerre, mais qui, avant de parler de la colonisation et de la décolonisation, nous parle d'un grand changement aussi au XXe siècle, c'est évidemment la bombe atomique. Par rapport aux deux guerres précédentes, je dirais que l'enseignement n'est pas tellement frappant, car la première guerre, celle de 1914, me paraît comparable à plusieurs des grandes guerres du passé, par exemple celle du Péloponnèse. C'est pourquoi je ne cesse de relire Thucydide. La deuxième guerre européenne me paraît comparable en un certain sens aux guerres de la Révolution et de l'Empire, c'est-à-dire des guerres d'idéologie à l'intérieur d'une même zone de culture. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est la rupture qui, à mes yeux, est intervenue en 1945 avec les bombes atomiques. Je serais beaucoup plus pessimiste sur l'avenir de la paix si n'existaient pas aujourd'hui les armes diaboliques, les armes de destruction massive. Je sais que cette proposition a un côté scandaleux, car cela consiste à reconnaître que souvent, un moindre mal naît d'un horrible mal. Les armes de destruction massive, les bombes thermonucléaires, sont l'horreur même. Mais je pense que cette horreur est notre meilleure chance qu'il n'y ait pas de grande guerre, parce que pour la première fois dans l'histoire, la fameuse formule de Clausewitz, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens, une formule évidente d'ailleurs, contre laquelle on avait bien tort de protester, cette formule a cessé d'être vraie. Il n'est plus vrai aujourd'hui que la guerre thermonucléaire soit un instrument rationnel ou raisonnable de politique. Ce serait de la folie. Mon rationalisme ne va pas jusqu'à affirmer que les hommes ne feront pas de folie. Alors cette formule de Clausewitz, la guerre et la poursuite de la politique par d'autres moyens, on va en reparler durant cette émission, Jean-Vincent Olindre, parce que Raymond Aron a écrit deux volumes sur la pensée de Clausewitz. Mais dans cette archive, en tout cas, dans cette interview de Raymond Aron de 59, on entend bien effectivement cette rupture produite par la bombe atomique et puis cette idée quand même complètement paradoxale qu'à la fois l'arme la plus destructrice est aussi la plus pacifiste, on pourrait le dire. Comme ça, la plus pacificatrice. Pacificatrice sur le plan politique, pacifiste sur le plan moral et philosophique, oui, sans doute pas. Non plus. Sans doute pas, mais pacificatrice, oui, c'est un paradoxe apparent. Ce que nous dit Raymond Aron, c'est que l'arme nucléaire est une horreur au plan moral. C'est-à-dire que effectivement, le nucléaire militaire nous permet de détruire des États entiers et de nous auto-détruire. Donc sur le plan de la philosophie morale, c'est en effet une horreur. Mais sur le plan politique, l'arme nucléaire est une ressource. En réalité, l'arme nucléaire est la première arme dont la dimension politique est la plus aiguë. C'est-à-dire que c'est une arme qui n'est pas laissée aux militaires, qui est vraiment laissée d'abord et avant tout en France en tout cas, au président de la République ou au chef d'État de manière générale, si on prend les puissances qui sont dotées de l'arme nucléaire. Et évidemment, une responsabilité énorme pèse sur les épaules du chef d'État, mais en retour, s'opère, ce que Raymond Aron décrit, c'est l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire l'idée que la peur de l'apocalypse nucléaire conduit les responsables politiques à développer une doctrine du non-usage. C'est-à-dire, ce qui permet la paix, c'est de se dire que le non-usage est plus rationnel que l'usage de l'arme nucléaire, parce que l'usage de l'arme nucléaire, on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Ou du moins, on a vu ce que ça pourrait donner au moment d'Hiroshima et de Nagasaki, et le spectacle qu'a offert cet apocalypse nucléaire a conduit ensuite les puissances, l'URSS et les États-Unis d'abord, et ensuite les autres puissances dont la France, à dire que l'arme nucléaire, c'était une arme qui servait à ne pas faire la guerre. Voilà. Mais ça, c'est un énorme paradoxe, et d'ailleurs, ça représente assez bien la pensée de la guerre de Raymond Aron, à savoir, en fait, d'être tout le temps, non pas peut-être dans un entre-deux, mais de tout le temps articuler une forme de paradoxe en se disant « je veux éviter la guerre », mais j'évite la guerre en me disant qu'elle est possible. Et de la même manière, ça revient en fait à cet non-usage de la bombe atomique. Ce qui me permet de ne pas faire de la guerre, c'est de me dire qu'elle est possible. Oui, c'est-à-dire que souvent, quand on pense la guerre, on s'en tient à un registre strictement moral, alors que précisément, le sens de la formule de Clausewitz, c'est que la guerre est un instrument et n'est qu'un instrument, ce n'est pas une fin en soi, n'est qu'un instrument au service de la politique. Alors c'est un instrument qui peut devenir fou, qui peut échapper à la raison humaine, et c'est la leçon des guerres du XXe siècle, c'est quand même aussi ce que nous dit Aron. Le tragique de l'histoire, c'est quand même ça. C'est-à-dire la Première Guerre mondiale, qui au départ est une guerre d'alliance classique, une guerre limitée entre guillemets, et puis qui devient un conflit mondial dont les effets sur les corps et sur les âmes sont des effets qu'on ressent encore aujourd'hui. Donc Raymond Aron, c'est l'enfant de cette Première Guerre mondiale qui a été une blessure jamais refermée et qui se dit que l'arme nucléaire, c'est peut-être un moyen de construire une paix, non pas par le pacifisme, mais par la politique. Et alors pourquoi il dit que la formule de Clausewitz est invalidée précisément? En fait, il dit tout le contraire là encore. Oui. En fait, finalement, c'est vraiment la bombe atomique permet au contraire une poursuite de la politique par d'autres moyens. Oui, oui, oui. Sauf que c'est une non-guerre, effectivement. Voilà, elle est invalidée parce qu'en effet, ce n'est pas une guerre, c'est une guerre impossible. Pour paraphraser Raymond Aron, on avait la paix impossible, là c'est une guerre impossible, ou du moins une guerre... Quand on dit guerre impossible, c'est sans doute exagéré parce que effectivement, vous avez parfaitement raison d'indiquer que l'hypothèse de la guerre doit toujours rester présente à notre esprit. C'est précisément l'hypothèse d'une guerre et en particulier d'une guerre nucléaire qui doit nous inciter à la prudence. Voilà, c'est ça que nous dit Raymond Aron. Une incitation à la prudence et à l'autorestriction. Au sens général, la puissance est la capacité de faire, produire ou détruire. Un explosif a une puissance mesurable, et de même une marée, le vent, un tremblement de terre. La puissance d'une personne ou d'une collectivité n'est pas mesurable rigoureusement, en raison même de la diversité des buts qu'elle s'assigne et des moyens qu'elle emploie. Le fait que les hommes appliquent leur puissance essentiellement à leurs semblables donne au concept en politique sa signification authentique. La puissance d'un individu est la capacité de faire, mais avant tout, celle d'influer sur la conduite ou les sentiments des autres individus. J'appelle puissance sur la scène internationale la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté aux autres unités. En bref, la puissance politique n'est pas un absolu, mais une relation humaine. Toute politique internationale comporte un choc constant des volontés, puisqu'elle est constituée par les relations entre des États souverains qui prétendent se déterminer librement. Tant que ces unités ne se sont pas soumises à des lois ou à un arbitre, elles sont en tant que telles rivales, puisque chacune est affectée par l'action des autres et en soupçonne inévitablement les intentions. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors, on vient d'entendre un extrait de Paix et guerre entre les nations. C'est l'ouvrage de Raymond Aron qui date de 1962. Alors, il faut le dire, Jean-Vincent Hollindre, Paix et guerre entre les nations, c'est un des plus grands textes de Raymond Aron sur la guerre, mais aussi dans son œuvre. C'est vraiment une somme, il faut le dire. C'est vraiment reconnu comme un ouvrage classique pour penser la guerre. Et on a entendu cet extrait, là, interprété par François Raison, où effectivement, Aron nous parle de cette notion de puissance. Alors, comment faut-il entendre cette notion de puissance? Puissance, ce mot puissant qu'on entend partout, à toutes les sauces, les femmes sont puissantes, une sauce est puissante, enfin tout est puissant, il y a la puissance aristotélicienne, mais alors là c'est tout autre chose. Définissez-nous ce terme. Alors en relations internationales, il n'y a sans doute pas de terme plus complexe à définir que la puissance, mais ce qu'on peut retenir de l'analyse lumineuse de Raymond Aron, c'est que la puissance, c'est pas l'accumulation des têtes nucléaires, c'est pas l'accumulation des points de croissance. C'est pas l'accumulation des atouts et des attributs. La puissance ne se mesure pas quantitativement. La puissance est d'abord et avant tout une relation, au sens où est puissant celui, nous dit Aron, qui impose sa volonté. Prenons un exemple. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui, qui sont la première puissance mondiale, sont toujours capables d'imposer leur volonté? En Afghanistan, non. Manifestement, non. Mais ils ont quand même décidé de partir. Ils ont décidé de partir. Oui, mais c'est un retrait qui est le signe d'un échec, une incapacité à imposer leur volonté. Non pas une défaite militaire, parce que sur le plan militaire, les Américains ont eu quelques résultats, mais l'incapacité de transformer cette action militaire en un gain politique. Donc ils se sont retirés et c'est un échec. Il faut le dire comme ça. Cependant, prenons un autre exemple. Les États-Unis ont récemment signé un accord avec l'Australie, la Grande-Bretagne, le fameux accord AUKUS, pour vendre un certain nombre de sous-marins nucléaires au détriment de la France qui avait signé un contrat et qui se retrouve le bec dans l'eau avec des sous-marins qu'elle ne peut plus vendre. La France s'est fait imposer en quelque sorte sa volonté par les États-Unis. Donc les États-Unis restent puissants, cet exemple le montre. Donc voilà, la puissance se définit par rapport à cette relation et le fait d'imposer sa volonté. Ça, c'est fondamental parce que ça veut dire qu'on a beau être puissant, d'être le plus fort militairement, ça veut pas dire, puissant militairement ne veut pas dire qu'on va politiquement transformer l'essai. C'est fondamental. C'était le cas dans le cas de l'Australie, c'est pas le cas dans le conflit en Afghanistan. Donc là, par exemple, la puissance, ça ne se mesure pas quantitativement, comme vous l'avez dit Jean-Vincent Hollindre, mais surtout c'est très mouvant, très mobile. C'est-à-dire on peut être puissant effectivement dans un cas, on peut être puissant simultanément dans un territoire et pas dans un autre, et on peut être puissant à un moment donné et pas à un autre moment, c'est ça ? Exactement. La puissance est marquée par ce qu'on appellerait au plan philosophique l'intersubjectivité. Voilà. Donc là, vous reprenez un terme, il faut le dire, comme un terme kantien. Voilà. Donc c'est la communication des consciences, l'intersubjectivité. C'est un concept de Kant développé dans la critique de la faculté de juger sur le fait que quand on est face à une œuvre d'art, on peut communiquer son goût, son jugement de goût sur cette œuvre d'art. Comment on adapte ce jugement de goût d'une œuvre d'art, cette intersubjectivité, dans le cadre militaire, stratégique et politique, Jean-Vincent? Voilà. Et en fait, cette notion d'intersubjectivité a été reçue dans la pensée internationale chez ceux qu'on appelle les constructivistes, et dont Raymond Aron est ici assez proche. C'est-à-dire l'idée que la scène internationale est marquée par des acteurs, le système international, les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est moins les acteurs que les relations qu'ils entretiennent. Et donc, les constructivistes ont montré ça. Et au fond, Raymond Aron, en 1962, 30 ans avant la révolution entre guillemets en relation internationale constructiviste, préfigure en quelque sorte ça. Donc souvent on résume Raymond Aron à une vision très classique, un peu arriérée des relations internationales. On voit que sur cette question de la puissance, au contraire, Raymond Aron est avant-gardiste, ou en tout cas qu'il a perçu quelque chose qui est fondamental dans les relations de puissance, qui est que précisément la puissance est moins un bien que je possède qu'une relation qui s'opère entre des acteurs. Vous avez parlé de courants constructivistes. Quels sont les autres courants dans la pensée de la guerre et pourquoi Raymond Aron se rapprochait plutôt des constructivistes et pas des autres? Alors, il se rapproche plutôt quand même des réalistes parce que... Alors, il y a constructiviste et réaliste. Voilà, en gros, il y a deux grandes écoles de pensée. Le réalisme qui s'inscrit dans la lignée de Thucydide, de Machiavel, c'est-à-dire analyser la guerre comme un phénomène politique qui s'impose et qui constitue un instrument pour les acteurs, et avec une vision compréhensive des relations internationales. Alors que vous avez en face les libéraux, Donc qui sont plutôt dans la veine d'Emmanuel Kant, mais on verra que Raymond Aron est aussi inspiré par Emmanuel Kant. Et les libéraux, eux, considèrent, par exemple, ils croient dans l'Organisation des Nations Unies, ils croient dans la construction, dans la coopération internationale, dans les normes internationales, dans le droit international, là où les réalistes vont mettre l'accent sur les rapports de force. Donc on a cette opposition, je dirais, entre réalisme et libéralisme, ou entre réalisme et idéalisme. Et puis on a aussi la pensée critique, la pensée marxiste, qui en matière de relations internationales dit quand même des choses absolument importantes, et notamment le rôle de l'économie dans les rapports de force et dans les relations de puissance, avec une convergence d'ailleurs jusqu'à un certain point avec les réalistes. Et puis on a dans les années 90 des auteurs aux États-Unis constructivistes qui vont non pas remettre en cause les paradigmes, ils vont pas remettre en cause le réalisme, le libéralisme ou même le socialisme ou le marxisme, mais ils vont prendre un peu de recul et dire en fait tous ces paradigmes sont le fruit d'une construction sociale et politique et qu'en réalité il faut d'abord mettre l'accent sur cette dimension de construction dans les relations internationales beaucoup plus que dans l'idée que, en quelque sorte, les relations internationales seraient données une fois pour toutes. Elles sont nécessairement construites, d'où l'importance du contexte et d'où l'importance de la phrase de Raymond Aron sur la puissance comme relation qui s'apparente, à mon sens, plus à la dimension constructiviste. Donc on a les réalistes, les constructivistes, les libéraux, les marxistes. On peut dire que finalement Raymond Aron n'est pas vraiment rattaché à une de ces écoles, mais va un petit peu en fait préfigurer des choses importantes dans ces différentes écoles, notamment l'importance de l'économie qu'on retrouve chez les marxistes, l'importance de la coopération quand même chez les libéraux, et puis le constructivisme, comme vous l'avez dit, et puis évidemment le réalisme. Comme le dire, c'est quand même une pensée réaliste de la guerre, c'est-à-dire cette idée de prudence et d'être ouvert à la possibilité de la guerre, c'est une position réaliste. Non, je pense que l'arrière-plan de Raymond Aron, la tradition dans laquelle il s'inscrit, c'est bien sûr le réalisme. Mais Raymond Aron, si vous voulez, c'était pas un fanatique des taxinomies en théorie des relations internationales. C'est-à-dire, il y a aussi parfois une forme d'épuisement à ce paradigmatisme. La réalité est plus complexe que les théories. Vous êtes parfaitement aronien. Voilà. Ah ben ça, oui, c'est certain. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant chez Raymond Aron, c'est qu'il n'est pas prisonnier, hein, si vous voulez, de ces débats théoriques qui parfois sont un peu stériles. C'est que c'est quelqu'un qui va puiser chez Emmanuel Kant une certaine conception de la paix au sens politique et de la régulation par les normes, qui va puiser chez les réalistes une certaine vision des relations entre guerre et paix, et qui va puiser chez les marxistes effectivement une compréhension très très intime et très très forte de l'économie. C'est un des rares d'ailleurs politistes à cette époque à lire vraiment sérieusement les économistes. Et puis le constructivisme qu'il a pas vraiment connu, mais le constructivisme c'est pas un paradigme, c'est plus une approche si vous voulez qui va se compléter par rapport à... Et donc Raymond Aron est un des rares auteurs à ne pas justement, mais c'est le propre des classiques à mon avis, c'est le propre des classiques dans la pensée internationale, c'est à ne pas se laisser enfermer dans un paradigme. Ce qui est intéressant aussi, au-delà de ces différentes écoles qui ne sont que des paradigmes qu'on doit dépasser, où on n'est pas forcément obligé de s'enfermer dans un de ces paradigmes, c'est qu'il dessine à chaque fois aussi une pensée, une philosophie politique des relations internationales, mais c'est-à-dire comme des entités. Les États sont des entités, et quelle est leur situation de départ, et quelles sont leurs relations? Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la pensée politique, en philosophie politique, avec différentes représentations de l'État, l'État de nature, l'État de droit, le contrat social. Chacune de ces écoles, finalement, propose une vision, mais à l'échelle internationale, des rapports politiques entre des États qui seraient comme des individus. Exactement. Raymond Aron n'a jamais cessé d'être philosophe, y compris lorsqu'il commentait l'actualité internationale dans Le Figaro. Dans sa manière de, notamment de, vous l'avez suggéré, de considérer les antinomies entre guerre et paix, entre la force et le droit, entre le privé et le public, entre libéralisme et réalisme. Cette volonté de penser avec nuance, avec recul, avec réflexivité, avec au fond ce qu'il a appelé la philosophie critique de l'histoire. C'est-à-dire Raymond Aron est un philosophe de l'histoire, mais qui n'est pas un philosophe, je dirais, de l'histoire qui s'inscrit dans la tradition, je dirais, hegelienne, marxiste, etc. C'est-à-dire d'une raison qui s'imposerait en dépit des hommes, mais au contraire, une lente construction qui est liée à l'action humaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que la guerre constitue en fait l'un des domaines, je dirais, les plus caractéristiques de l'action humaine. En fait, Raymond Aron n'est pas fasciné par la guerre. Elle s'est imposée à lui sur le plan de sa vie, mais elle l'intéresse d'abord et avant tout du point de vue de la philosophie politique, en fait. C'est pas les relations internationales qui l'intéressent, c'est le domaine d'action que représentent les relations internationales. Ce qui intéresse Raymond Aron, c'est l'être humain dans l'histoire. C'est ça qui l'intéresse. Et alors, quelle est sa vision des relations internationales d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de philosophie politique? Est-ce qu'il a une vision d'anarchie, de chaos qui va se réguler? Oui. Est-ce qu'il a une vision plutôt de coopération? Alors, c'est sûr que les juristes ont beaucoup reproché à Raymond Aron cette expression qu'il emploie dans Paix et guerre entre les nations, où il parle de l'imperfection essentielle du droit international. Et donc, qui le conduit évidemment à privilégier ce que... En sciences politiques, on appelle l'anarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Il n'y a pas d'État mondial et que les États sont, en quelque sorte, comme les êtres humains, à l'état de nature, selon Hobbes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité qui vient réguler les relations internationales. Et donc, c'est sûr que le scepticisme de Raymond Aron par rapport au droit international a conduit certains juristes à dire que il avait oublié un pan considérable de la réalité. Mais il faut jamais oublier que Raymond Aron, tout en considérant que la guerre était un horizon, je dirais, à partir duquel pensaient les relations internationales, Raymond Aron a toujours cru à la paix. C'est-à-dire, mais non pas à une paix, encore une fois, au sens moral, mais à une paix construite par les États, à une société internationale fondée sur des relations plus pacifiques par le biais des régimes politiques. C'est-à-dire, là où Raymond Aron, et on peut ici introduire Kant, s'inspire de la pensée de l'homme de Königsberg, c'est dans l'idée que il peut y avoir une convergence des différents États autour d'un certain nombre de principes républicains et démocratiques. Et Raymond Aron croit dans la démocratie. S'il y a une religion dans laquelle croit Raymond Aron, c'est la religion de la démocratie, l'idée que la démocratie peut apaiser les relations humaines. Et donc c'est vrai sur le plan interne, et c'est vrai sur le plan international. Donc de ce point de vue, Raymond Aron est aussi un libéral en relations internationales. Il n'est pas aussi pessimiste qu'on veut bien le dire. Il y a trois idées simples et fondamentales de Clausewitz qui ont contribué à faire l'histoire. La première, c'est l'idée de la victoire d'anéantissement qu'a retenu l'état-major allemand et qui l'a conduit de victoire en victoire à des catastrophes finales. Le deuxième héritage, c'est la formule « la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens » qui ne signifie pas du tout ce qu'on lui fait dire d'ordinaire, c'est-à-dire la militarisation de la politique, mais ce qui signifie exactement le contraire, c'est-à-dire la politisation de l'activité militaire. Tout acte militaire doit être considéré comme un acte politique, et il veut dire explicitement que rien n'est plus absurde que de formuler un plan de guerre selon des considérations strictement militaires. Et alors, la troisième idée clausewitzienne qui a fait de l'histoire, c'est une idée qui se trouvait chez tous les patriotes, la mobilisation du peuple contre l'envahisseur. Et en ce sens, on retrouve aujourd'hui la trace des idées clausewitziennes, l'idée de la guerre populaire ou de la guerre révolutionnaire. Alors, on vient d'entendre une archive d'Aron donc sur Clausewitz, c'était en 1977, il faut le dire, l'autre grand ouvrage de Raymond Aron sur les relations internationales, après Paix et guerre entre les nations, c'est Penser la guerre, Clausewitz, donc qui date de 76, donc 15 ans après Paix et guerre entre les nations. Clausewitz, donc c'est un stratège prussien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans pour que Raymond Aron revienne à la pensée d'un grand stratège prussien et ne s'en tienne pas finalement à son premier ouvrage, qui était vraiment un ouvrage d'analyse sociologique sur les relations internationales au prisme de la guerre et de la paix? Alors, dans l'œuvre de Raymond Aron, on a trois thèses d'État. C'est ainsi qu'il le présente dans cette mémoire. La première thèse d'État, la vraie, l'introduction à la philosophie de l'histoire, qui va en quelque sorte fournir une certaine vision et une certaine méthode. Et on a ensuite deux grands ouvrages que sont Paix et guerre entre les nations, qui est un traité de relations internationales, qui ne se limite pas à la question de la guerre, même si évidemment le titre incite à voir la guerre comme le phénomène central, mais la paix aussi, paix et guerre, paix d'ailleurs, ça, paix qui commence apparaissant en premier, ce qui oui, mais on a tellement en tête guerre et paix que... Voilà. Bon. Mais non, mais justement, c'est l'idée de paix et guerre entre les nations, que c'est la paix prime sur la guerre, et ça c'est fondamental. Et puis, au soir de sa vie, en 76, alors que Raymond Aron est professeur au Collège de France, il se donne un dernier défi. Il sait qu'il n'aura pas nécessairement la possibilité d'écrire un autre grand livre. Et il veut renouer aussi avec sa jeunesse. Il faut savoir que Raymond Aron est est devenu philosophe politique en partant en Allemagne dans les années 30 et en découvrant la montée du nazisme. Ensuite, il va être résistant et auprès du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il va être rédacteur en chef de la revue La France Libre. Et c'est là qu'il découvre Clausewitz. Il y a une personne qui va lui faire lire Clausewitz et Clausewitz va l'accompagner tout au long de sa vie. Et en fait, ce livre sur Clausewitz, Penser la guerre Clausewitz, c'est une sorte de bilan d'une vie consacrée à l'étude de la politique et le bilan aussi d'une pensée qui est celle de Clausewitz, qui pour Raymond Aron, et je crois qu'il a raison, est sans doute le plus grand penseur de la guerre, parce que précisément Clausewitz est un penseur politique. Et pas un penseur stratégique et militaire. Voilà, oui, bien sûr, c'est le plus grand penseur de la guerre au sens stratégique. Mais si vous voulez, ce que dit bien Raymond Aron dans l'archive que vous venez de diffuser, c'est que la guerre est pensée comme un phénomène politique. C'est-à-dire que c'est pas pensé comme un phénomène strictement militaire. On peut parler à foison des armes plus ou moins avancées, etc. Au fond, c'est très intéressant. Il y a des spécialistes de ces sujets et c'est tout à fait respectable. Mais il faut jamais perdre de vue la big picture, comme disent les Américains, la grande image. La grande image, c'est quand même la politique. Et voilà. Et donc Raymond Aron, en fait, à travers Clausewitz, restitue ça. Alors, avec deux volumes. Un premier volume où il restitue la vie de Clausewitz, dont il faut rappeler que c'était l'ennemi de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire que c'était un Prussien donc qui affronte pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire la France de Bonaparte puis de Napoléon. Donc il y a l'idée chez Raymond Aron de comprendre l'ennemi allemand et de réfléchir aussi à la relation franco-allemande et puis de restituer cette pensée qui à ses yeux reflète le mieux la guerre moderne. Et puis le deuxième volume est consacré moins à Clausewitz, mais plutôt à sa postérité. C'est-à-dire comment penser les guerres d'aujourd'hui avec Clausewitz. Et notamment, un des apports de ce livre, c'est de faire une typologie de la guerre contemporaine qui me semble toujours aujourd'hui très opérante, entre trois types de guerres. La guerre nucléaire, effectivement, le fait qu'à partir de 1945, vous avez cette guerre nucléaire qui est une guerre qui ne peut pas avoir lieu, comme on l'a dit. La guerre interétatique, entre guillemets, conventionnelle, qui est une guerre de moins en moins probable, parce que précisément plane l'ombre de l'arme nucléaire qui fait que les États, et en particulier les États puissants, vont réfléchir à deux fois avant de lancer une guerre, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et puis le troisième type de guerre, évoqué par Raymond Aron à l'instant dans l'archive, la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire la guerre de ceux qui veulent s'émanciper de la domination, par exemple dans le cadre de la décolonisation. Et on voit qu'en fait, ce qui domine la scène internationale depuis 45, c'est cette forme asymétrique, irrégulière, révolutionnaire de guerre. Et ça aussi, souvent on associe Raymond Aron à la guerre froide, les États-Unis, l'URSS. Mais Raymond Aron a consacré des pages et des pages à ces formes irrégulières de la guerre dont on ne cesse de parler aujourd'hui. Et donc Raymond Aron, à cet égard, dans ce livre sur Clausewitz, constitue une ressource très précieuse. Il n'a pas vécu évidemment tout ce qui s'est passé après sa mort, mais les concepts qu'il a élaborés en philosophe sont extrêmement pertinents pour analyser la situation contemporaine. Ce qui est intéressant aussi dans la théorie que propose, qu'élabore Aron de la guerre, que ce soit entre paix et guerre entre les nations ou jusqu'à Clausewitz, c'est qu'effectivement, il laisse une part indéniable, irréductible à la contingence de l'histoire, à l'incertitude et à l'imprévisibilité des individus. Et ça, on a insisté là-dessus cette semaine. Aron n'est pas un penseur mécanisme des relations politiques, sociales ou internationales, mais au contraire, laisse place à l'incertitude, et c'est ce qu'on retrouve dans ce que vous dites. Il laisse place à l'incertitude, en effet, à la contingence et au tragique de l'histoire, mais il est aussi son héros de jeunesse, comme l'a bien dit Pierre Manant, c'est Max Weber. C'est-à-dire, c'est un sociologue d'inspiration philosophique qui va dire qu'au fond, ce qui compte, c'est de comprendre les motifs d'action des acteurs, se mettre dans la tête des acteurs. Et donc c'est pour ça que Raymond Aron, par exemple, va écrire dans les années 60-70 un article qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales ?» dans lequel il dit en fait qu'à la différence des théories économiques, la théorie des relations internationales ne peut pas être modélisatrice. En fait, on ne peut faire des relations internationales qu'en philosophe et en sociologue. En philosophe, en restituant les concepts, le diplomate et le soldat, la guerre et la paix, le droit et la force, la puissance, etc., en définissant les concepts. Hein, le vrai combat, c'est d'abord celui de la définition. là donc le combat du philosophe, mais aussi en sociologue, c'est-à-dire comprendre les relations entre les acteurs plutôt que d'essayer de prévoir ou de modéliser ce qui en réalité n'est pas modélisable. Les relations internationales ne peuvent pas répondre à des modèles. Ça ne fonctionne pas. Et donc, en effet, il faut tenir compte de ça, de cette particularité de la scène internationale. La guerre du Vietnam, on l'a dit, et la formule me paraît juste, est la première guerre qui ait été vue et presque vécue à la télévision par un peuple entier. Et ce peuple a jugé que la guerre était horrible. Sur quoi les optimismes diront, peut-être est-ce une manière de réduire la fréquence de ces incidents de parcours, et les pessimistes et les cyniques diront comment mener encore une politique étrangère lorsque les conséquences inévitables des conflits entre nations prennent ce caractère pathétique et lorsque le citoyen moyen est obligé de vivre dans son foyer les affres du combattant. Je dirais, pas du tout en normand, mais en observateur, qu'il y a une part de vérité dans ces deux propositions. La leçon de la guerre du Vietnam, c'est que l'on ne peut pas faire une guerre que le simple mortel juge horrible sans des justifications évidentes. Et de ce point de vue, peut-être est-ce bon pour une république de ne pas livrer des guerres de cet ordre. February 12, 1973. The prayers of thousands were answered. The war was over and the first of the prisoners returned. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était la voix de Raymond Aron dans l'émission Paradoxe sur France Culture du 4 mai 1971. Alors, cette archive est particulièrement intéressante, Jean-Vincent Olyndre, parce qu'on y entend effectivement cette part, hein, quand même, laissée aux acteurs, aux individus. Raymond Aron n'est pas insensible. Il prend en compte le fait que ce soit qu'il s'agisse de guerres horribles pour les individus. Et en même temps, il y a quand même cette idée de justification où là, en fait, on voit Raymond Aron revenir avec la rationalité, le fait de justifier une guerre, c'est à la fois de lui donner des raisons, mais aussi de la rendre juste. Et effectivement, c'est un penseur de la paix, vous l'avez dit, vous y tenez, ça n'est pas il ne désire pas la guerre à tout prix, Raymond Aron, mais en même temps, il s'est résolu à l'idée que les guerres pouvaient être utiles et même justes. Alors, Raymond Aron a pas beaucoup écrit sur la doctrine de la guerre juste, c'est-à-dire que, à la différence justement de Michael Walzer, qui est né dans les années 30 et qui a écrit ce fameux livre dans les années 70, justement à partir de la guerre du Vietnam, Guerre juste et injuste, dans lequel il va revisiter cette tradition de la guerre juste qui remonte à l'Antiquité romaine et qui a été formalisée par la pensée chrétienne de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Mais Raymond Aron, c'est plus, de ce point de vue-là, un réaliste, c'est-à-dire qu'il va, réfléchir à la justification politique de la guerre. C'est-à-dire que là où la guerre juste, la doctrine de la guerre juste va mettre l'accent sur la dimension, je dirais, éthique, morale, déontologique, Raymond Aron a plus un regard politique sur la guerre. Mais il dit quelque chose qui, évidemment, a une incidence morale à propos de la guerre du Vietnam, qui est qu'on ne peut pas faire la guerre contre la vie des populations et contre la vie de l'opinion publique. La guerre du Vietnam, c'est une des premières guerres qui a été montrée par le biais des médias et où il y a eu des images de la guerre tellement choquante, bouleversante et impressionnante, que l'opinion publique américaine, voyant cela, voyant aussi revenir les cercueils des boys dans des body bags, se disait, mais au fond, pourquoi on est là-bas? Quel est le sens, en fait, de cette intervention militaire? Et la réponse que le peuple américain a donnée à cette question, c'est que non, en fait, cette guerre, on ne sait pas si elle est juste ou pas, mais en tout cas, elle n'est sans doute pas justifiée du point de vue de l'intérêt des États-Unis, de l'intérêt de la société. Et c'est ce qui a conduit les États-Unis à se retirer. Et d'ailleurs, les analogies avec l'Afghanistan, aujourd'hui, sont nombreuses. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi cette guerre en Afghanistan? C'est-à-dire, on voit bien pourquoi. C'est-à-dire qu'il s'agissait de répondre à l'agression terroriste soutenue par les talibans en 2001. Et donc la réponse à une agression, là on est dans le registre de la guerre juste, dont il faut rappeler que c'est toujours des guerres défensives. Les guerres justes sont des guerres défensives, ce sont pas des guerres offensives. Hein, dans la doctrine de la guerre juste, c'est l'idée essentielle. Et donc on peut comprendre évidemment que les États-Unis, d'ailleurs la France était alliée à ce moment-là des États-Unis, a répondu à l'agression terroriste. Mais ensuite, ce qui a suivi, évidemment, est plus discutable. Et ce qui a suivi, ensuite la guerre en Irak, etc. Et donc, en fait, on voit bien que cette question nous taraude aujourd'hui en démocratie. C'est-à-dire, comment justifier l'intervention militaire? Comment justifier l'usage de la force? Comment on peut d'un côté défendre, sur le plan interne, les principes démocratiques et les principes, liés au libéralisme démocratique, et de l'autre, agir à l'extérieur de nos frontières de manière qui n'est pas complètement conforme à ces principes. Et donc, Raymond Aron pose cette question et il arrive quand même à la conclusion à propos du Vietnam que cette guerre, il le dit de manière très nuancée, mais parce qu'il, voilà, il est prudent politiquement et philosophiquement, il arrive à la conclusion que c'est une guerre qui n'est pas complètement justifiée et qu'il faut, en tout cas, il faut éviter ce type de guerre. Il le dit quand même à la fin. Donc, et ouais. je prends un extrait du texte « Penser la guerre, Clausewitz », c'est dans le volume 2, où Aron a cette formule « Il reste une dernière illusion à dissiper après les horreurs de la Première Guerre mondiale. Ni les hommes, ni les États n'ont dit adieu aux armes. Oui. » Donc, Aron a beau être un défenseur de la paix, on a quand même l'impression que la paix chez lui n'est pas tant un état qui est le contraire de la guerre, mais plutôt en fait juste un état un petit peu fragile d'absence de guerre. C'est-à-dire la guerre est toujours là, on ne peut pas dire adieu aux armes. Certes, certaines guerres sont injustifiées, mais néanmoins elles ont quand même lieu et d'autres en plus sont justifiées. Raymond Aron nous dit qu'il faut vivre avec la possibilité de la guerre et il faut que les démocraties construisent une défense nationale qui leur permette de se défendre en cas d'agression. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que et l'exemple des guerres mondiales le signale. C'est que les démocraties, pendant l'entre-deux-guerres, on dit plus jamais ça à propos, par rapport à la situation de la Première Guerre mondiale. Plus jamais ça, plus jamais cette boucherie. Et ils se sont mis politiquement, les démocraties se sont mises politiquement en situation de vulnérabilité par rapport à la montée en puissance du nazisme. Et Raymond Aron dit que les démocraties, si elles veulent défendre leurs principes, doivent être capables de se défendre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la paix, c'est pas simplement l'absence de guerre pour Raymond Aron. La paix, c'est une construction politique, c'est un travail politique. Hein, c'est une manière de construire les relations pacifiées. Donc Raymond Aron parle de pacification des relations internationales beaucoup plus de paix que de la paix au sens moral. Raymond Aron ne croit pas à une paix séraphique, à une paix morale. Il croit à une paix comme il croit au traité. Il croit à la un peu comme Kant finalement. C'est vraiment le projet de paix perpétuelle. Voilà, mais sachant que pour Kant, la paix perpétuelle, c'est pas l'absence de guerre. Kant ne dit jamais que les guerres disparaîtront. Kant dit juste qu'on peut tendre. C'est une idée régulatrice. On peut tendre vers des relations plus apaisées. Et Raymond Aron nous dit que les États ont la responsabilité de construire un monde plus pacifique. Que c'est entre leurs mains. Mais la possibilité de la guerre est toujours parmi nous. Voilà, c'est toujours cette antinomie. Nous devons être capables de nous défendre en cas de guerre, mais les guerres offensives ne sont pas nécessairement justifiées. Et en même temps, nous devons construire un monde plus durable, un monde plus pacifique. On va écouter un texte de Raymond Aron sur la paix. Ça va nous permettre d'approfondir encore cette notion. Dire que nous devons suivre l'ennemi sur tous les terrains ne signifie pas que nous devions prendre modèle sur lui. Au contraire, qu'il s'agisse de stratégie ou de tactique, de persuasion ou de subversion, l'asymétrie est fatale. Nous ne voulons pas détruire celui qui veut nous détruire, mais le convertir à la tolérance ou à la paix. Nous ne voulons pas persuader les hommes que nos institutions offrent seules un espoir, mais au contraire, persuader nos ennemis, comme les tiers, que l'humanité, mis à part le respect de certains principes, a vocation de diversité. Les pays de régime démocratique ne peuvent employer la même tactique que les pays de régime totalitaire. Et en reniant leurs principes, ils payent cher à terme un profit temporaire. Ils ne peuvent ni ne veulent semer les révolutions. Ils ne peuvent ni ne veulent interdire au peuple de chercher leur salut, chacun selon son génie. Mais tant que les deux mondes resteront ce qu'ils sont, la liberté dont jouissent les Occidentaux aura une signification subversive de l'autre côté du rideau de fer. Signification révolutionnaire à laquelle les stratèges occidentaux ne renonceront jamais, mais dont ils souhaitent eux-mêmes la disparition progressive. Le jour où les hommes soviétiques auront les mêmes droits de lire, écrire, critiquer, voyager que les hommes d'Occident, la compétition sera devenue authentiquement pacifique. Alors finalement, il faut revenir vers le premier texte de Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, pour avoir cet approfondissement de la notion de paix. On a entendu donc cet extrait interprété par François Raison. On entend cette phrase « Nous ne voulons pas persuader les hommes que nos institutions offrent seules un espoir, mais au contraire persuader nos ennemis, comme les tiers, que l'humanité, mis à part le respect de certains principes, a vocation de diversité. » Et ça, c'est intéressant, Jean-Vincent Hollande, parce que la guerre ne sert pas seulement à se défendre, à défendre des principes, mais aussi à attaquer dans le sens de convertir et persuader, là. Alors, attention, Raymond Aron ne dit pas, à la manière des néoconservateurs, qu'il faudrait faire la guerre pour façonner les régimes politiques. C'est un petit peu ambigu, le début du texte. C'est certes ambigu, mais vous avez raison de le noter. Effectivement, je l'ai noté également. C'est convertir à la tolérance et à la paix. La question est convertir est problématique. La question est savoir comment. Il faut se resituer dans le contexte de la guerre froide. Raymond Aron nous dit que les États-Unis, que les démocraties occidentales ne doivent pas ressembler à l'URSS. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être attaché, et je crois que ce message reste toujours valable aujourd'hui, à nos libertés et à ce que signifie très profondément la démocratie, ce que ça implique sur le plan des relations humaines, des relations sociales, des relations ordinaires. Et donc c'est ça que nous dit surtout Raymond Aron, c'est-à-dire que aujourd'hui on entend une petite musique qui consiste à dire « Ah, les Chinois et les Russes, eux, ils ont vraiment compris comment il fallait agir en relations internationales, ce sont des vrais réalistes ». Ils agissent voilà, conformément à leur intérêt, alors que nous, pauvres démocrates, nous sommes incapables de nous défendre. Ce serait un très mauvais calcul et une très mauvaise orientation que de se calquer sur cette pseudo-réale politique consistant à dire qu'il faut agir comme les Chinois et les Russes, parce que les Chinois et les Russes auraient compris en régime autoritaire qu'en réalité ça marche beaucoup mieux que la démocratie. En réalité, il faut plus que jamais défendre la démocratie dans les relations internationales, parce que fondamentalement, c'est la seule possibilité de construire une paix durable. Voilà ce que nous dit Raymond Aron, et c'est certainement pas les interventions militaires intempestives qui nous y aideront. Donc là, sur cette définition de la paix, la compétition à la fin sera devenue authentiquement pacifique, mais ça veut dire au moment où le monde sera devenu complètement démocratique, là, on pourra être vraiment dans une construction, on aura construit la paix. C'est ça qu'il faut entendre ? Ben, en tout cas, c'est l'idée que la démocratie n'est pas la fin de l'histoire, pour reprendre l'idée de Fukuyama. L'histoire n'est jamais finie, l'histoire est toujours... always on the move, comme disaient les commentateurs. C'est-à-dire, on est toujours dans l'idée des conflits. Les conflits ne cesseront jamais. Il y aura toujours, ils sont pas irréductibles, ils ne sont pas naturels. Simplement, ils font partie de notre vie. Et donc, il faut pas croire que la démocratie, qui serait partout instituée, impliquerait une paix absolument durable. Oui, il faut pas être naïf, voilà, sur la paix, en fait. Non, mais ce que nous dit Raymond Aron, de manière peut-être plus réaliste, c'est de dire que les régimes démocratiques sont ceux qui tendanciellement nous permettent de construire une meilleure coopération internationale, une meilleure intégration, une meilleure inclusion. Voilà, c'est ça que nous dit Raymond Aron. Et il me semble qu'il faut entendre ça. Lorsqu'aujourd'hui on parle des soulèvements à Hong Kong, lorsqu'on parle de la situation en Bolivie, c'est pas autre chose que l'aspiration, ou même il y a quelques années des printemps arabes, c'est l'aspiration à l'émancipation. C'est une aspiration très forte qui s'exprime non pas par les États mais au sein des peuples. Et Raymond Aron nous dit au fond c'est ça qu'on doit écouter. Donc là aussi peut-être qu'on est surpris, peut-être que les auditeurs sont surpris d'entendre ça chez Raymond Aron, mais en fait le texte que vous venez de dire est très important de ce point de vue. Hein, il est peut-être ambigu sur les moyens d'y parvenir, mais il n'est pas ambigu sur la destination finale. Mais il y a quand même un paradoxe entre le fait, et je reviens sur cette idée de guerre juste, mais aussi qui est lié en fait à cette idée de construction de la paix par des moyens démocratiques. Il y a un dilemme moral justement entre la morale d'un côté et la politique et les moyens d'y parvenir. C'est-à-dire que l'idée qu'on veut imposer de la démocratie à travers le monde, est-ce que c'est une idée morale ou est-ce que c'est une idée politique? Dire que seule la paix pourrait être construite par la démocratie, est-ce que ça n'est pas là une idée plus morale, une idée absolue? Ce que déteste Raymond Aron, d'imposer une idée absolue plutôt qu'en fait une réflexion politique. Bien sûr. Mais le point clé, c'est que l'aspiration à l'émancipation, l'aspiration à la démocratie, s'exprime justement au sein des sociétés. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être imposée par le haut, par l'usage de la force ou par une organisation internationale qui viendrait en quelque sorte exporter des principes de régulation et de normes démocratiques. Il y a de plus en plus de travaux justement en relations internationales qui montrent que ça marche pas. Ce qui marche, c'est d'essayer d'aider ou d'essayer d'accompagner des mouvements d'émancipation au sein même des sociétés. C'est ça qui est, je crois, audible aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu une courte phase de terreur atomique et assez rapidement, les gens se sont accoutumés à l'idée que l'on pouvait ne pas utiliser ces armes. Depuis 25 ans, il y a eu plusieurs guerres, y compris des guerres faites par une puissance nucléaire, mais jamais on n'a envisagé sérieusement l'utilisation des armes nucléaires. Et aujourd'hui, à tort ou à raison, j'ai le sentiment profond que les peuples ne ressentent pas la terreur atomique ou la terreur nucléaire comme terrifiante. Ils la vivent comme une espèce d'équilibre, avec la conviction que ni d'un côté ni de l'autre, les hommes d'État ne seront assez fous pour utiliser les armes militairement qu'ils utilisent diplomatiquement. Cela dit, si au lieu de 2 grandes puissances nucléaires, il y en avait 10, peut-être la situation deviendrait-elle plus grave. Mais aujourd'hui, il y a tant de conflits, conflits territoriaux, conflits idéologiques, il y a tant d'hétérogénéité dans le degré de développement des différents pays que l'État universel dans ton rêve est un rêve et que la seule paix possible est une paix à l'ombre des épées. Il nous reste, Jean-Vincent Hollindre, une minute pour commenter cette archive de Raymond Aron de 1971. Très intéressant. L'État universel est une utopie. La seule paix possible est une paix à l'ombre des épées. Oui, mais la paix est possible. C'est la paix construite par les États qui sont effectivement des faiseurs de guerre, mais qui sont aussi des faiseurs de paix. Et deuxième commentaire. Vous avez Raymond... encore 45 secondes. Hein. Raymond Aron dit que la situation serait différente si dans le monde il y avait presque 10 puissances nucléaires. On n'est pas loin des 10 puissances nucléaires. Donc je dirais que je serais moins optimiste que lui sur la situation actuelle et sur la possibilité d'une guerre nucléaire. Évidemment, c'est pas probable, mais c'est pas à exclure. Mais vous partagez avec lui l'idée quand même qu'on a une paix à l'ombre des épées. J'aime beaucoup cette formule, une paix à l'ombre des épées. Oui, c'est-à-dire que on le sait bien et la situation nous le montre. La guerre doit toujours être pensée, doit toujours être pensable et c'est toujours une réalité politique avec laquelle composer. Et l'État universel, une utopie, ça aussi, vous n'y croyez pas ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, les États n'ont pas dit leur dernier mot. Merci beaucoup Jean-Vincent Hollindre, on se quitte là-dessus. De vous, on peut lire La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie. C'est aux éditions Perrin, mais aussi plusieurs ouvrages que vous avez dirigés ou co-dirigés. La démocratie entre défis et menaces aux éditions Sciences Humaines. Guerre et politique aux éditions Hermann, co-dirigé avec Jean Bechler. La guerre des origines à nos jours aux éditions Sciences Humaines, co-dirigé avec Laurent Testo. Et puis j'en profite aussi pour signaler que tous les livres de Raymond Aron dont nous avons parlé cette semaine, Paix et guerre entre les nations, Les désillusions du progrès, L'essai sur les libertés, les mémoires ou encore les entretiens, le spectateur engagé, eh bien tous ces titres sont recensés sur notre site à la page des chemins de la philosophie. Politician. But he never had a proper education. But he should have been a father. But he Army Dreamers, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Let It Be peut-il nous consoler ? Les Beatles ne sont pas connus pour leur métaphysique, ils ne sont pas souvent enseignés dans les classes de philosophie, et peut-être cela devrait être le cas, cela devrait en tout cas sans doute l'être pour une de leurs chansons, la plus métaphysique en apparence et de manière explicite, une ritournelle qui semble s'inscrire dans nos têtes, mais aussi relever de la philosophie et de la sagesse, comme ils le disent eux-mêmes. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Cette chanson des Beatles très célèbre transpire la philosophie, j'allais dire, par tous ces mots. Il y a d'abord « let it be », laisse être, laisse cela être, l'être, quoi de plus philosophique. Et puis, il y a cette consolation dont le chanteur lui-même, celui qui chante, parle en termes de sagesse. Elle arrive, Mother Mary, qui est-elle exactement ? Peut-être mystique, religieuse, peut-être pas, peut-être une vraie maman, pour ainsi dire. Et elle parle des mots de sagesse, « wisdom ». Et de fait, Let It Be, cela semble rejoindre les plus grandes sagesses traditionnelles. Cela relève de l'être, mais aussi du laisser-être, de l'acceptation de l'être, ce consentement qui définit depuis les stoïciens dans l'Antiquité un certain type de sagesse, peut-être pas la plus ultime de toutes, mais quand même d'une profondeur inouïe. Consentir à l'ordre de l'univers, consentir à l'ordre des choses, c'était la sagesse stoïcienne, reprise aussi dans une formule célèbre de Descartes, changer plutôt ses désirs que l'ordre du monde. Laisse cela être. Les Beatles, dans cette chanson mélancolique, évoquent la souffrance d'un humain que quelqu'un vient consoler en lui disant « Laisse cela être, peut-être qu'au fond cela existe, peut-être même que c'est justifié, que c'est un ordre du monde et que dans ce laisser-être, il y a une consolation, une sagesse, un apaisement de notre souffrance par l'acceptation d'un sens. Peut-être était-ce donc la sagesse la plus profonde. Mais alors, on a le droit de la discuter. Je voudrais bien discuter avec les Beatles, peut-être les critiquer, peut-être on peut dire aussi que ce premier sens de leur chanson en cache d'autres peut-être plus profonds, plus mystérieux encore et qui nous amènerait aussi à une autre sagesse qui consisterait à ne pas toujours laisser être, aussi à se rebeller, à résister. Il y a deux indices. D'abord ce « it »,« let it be ». Il y a dans ce « ça » peut-être quelque chose d'inacceptable, peut-être quelque chose contre quoi nous résistons ou nous résisterons demain. Car la sagesse de Mother Mary dans la chanson elle-même, elle vise juste à nous apaiser « until tomorrow ». Et donc peut-être qu'il faut laisser être par moment contre quelque chose qui nous dépasse, que nous devons accepter en partie, mais peut-être que demain, quand nous aurons été consolés, quand nous aurons pu supporter une souffrance parfois extrême, nous passerons du laisser être à la résistance, du laisser être à l'amélioration de l'être et du monde, une critique en continuant de fredonner la chanson des Beatles qui peut-être contient en elle quelque chose de la révolte des années 60. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique et cette chanson, en tout cas votre chronique, est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Carla Michel, Manon de la Selle, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, à la réalisation Louise André et Nicolas Berger, avec à la prise de son aujourd'hui Dalia et Félix Delacour qui étaient là pour les essais de voix, François Raison à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter toute notre série sur Raymond Aron, car oui, c'est déjà la fin, ça va de son libéralisme à sa philosophie de l'histoire, jusqu'à sa conception de la guerre, c'était aujourd'hui. Rendez-vous sur le site de France France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain. Et demain, c'est notre émission du vendredi, oui, c'est vendredi, sur les objets inattendus de la philosophie. Et demain, nous parlerons viande, viande artificielle et chair vivante. Miam, ce sera avec le philosophe Olivier Assouli. France Culture, l'esprit d'ouverture.